Le testament d'Abraham. Version française intégrale. Traduit du copte par James. Du russe par Polivka. Du guès par Ed. Du grec Sanders. Aussi en perse, hébreu et français. Préface 1, Ami de Dieu. Abraham naquit à Suse, ou Babylone selon d'autres, peu après la mort du prophète Séla. Il était de la même époque que le puissant roi Nimrod et sa naissance tomba dans l'année 1081 après le déluge qui survint l'an 2242 après la chute d'Adam. Il fut accueilli par l'ange Gabriel, qui l'enveloppa aussitôt dans une robe blanche. La nuit où Abraham naquit, entre la nuit de jeudi et vendredi matin, Nimrod entendit une voix crier dans son rêve, « Malheur à ceux qui ne reconnaissent pas le Dieu d'Abraham. La vérité a vu le jour et les illusions périssent. » Il vit aussi en rêve que l'idole qu'il vénérait était tombée par terre. Le lendemain matin, il parla de son rêve aux prêtres et magiciens et personne ne put l'interpréter ou mettre cela sur le compte d'Abraham. Nimrod avait déjà rêvé qu'une étoile éclipsait la lumière du soleil et de la lune et ses magiciens l'avaient mis en garde contre un garçon qui menaçait de le priver de son trône et annuler la croyance du peuple en lui, car Nimrod se faisait vénérer comme une sorte de dieu. Suite à ce rêve, il avait ordonné de tuer tout nouveau-né à sa naissance, et il crut ne pas avoir besoin de craindre davantage. Par un miracle du ciel, seul Abraham fut épargné parmi les enfants nés dans cette période, car sa mère était si maigre durant sa grossesse que personne ne s'était douté, et quand son heure arriva, il avait fui dans une cave en dehors de la ville et mystérieusement délivré à l'aide de l'ange Gabriel. Abraham resta enfermé 15 mois dans cette cave et sa mère le visitait certaines fois pour la allaiter. Sortant pour la première fois hors de la cave, Abraham vit une magnifique étoile et dit, « C'est mon Dieu qui m'a donné le boire et le manger dans la cave. » Mais aussitôt la pleine lune se leva avec splendeur et dépassa en lumière l'étoile. Alors il dit, « Ce n'est pas mon Dieu. Je vénérerai la lune. » Mais en matinée, la lune, de plus en plus pâle, fondit et le soleil se leva. Il le reconnut comme une divinité jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Alors il demanda à sa mère, « Qui est mon Dieu ?»« C'est moi, » répondit-elle. « Et qui est ton Dieu ?» interrogea-t-il. « Ton père. » « Et qui est le Dieu de mon père ?» Nimrod. « Et qui est le Dieu de Nimrod ?» Garde silence. » dit-elle. Il garda silence et pensa en lui-même, « Je ne connais aucun Dieu que celui qui a créé ciel et terre, et tout ce qu'ils ont en eux. » Quand il fut un peu plus vieux, son père Terah, qui était faiseur d'idoles, l'envoya les vendre. Qui veut acheter ce qui peut lui faire du mal et qui n'apporte aucun bien ? Criait Abraham. Et personne n'achetait de lui. Un jour, quand tous ses citoyens étaient partis en pèlerinage vers une certaine idole, il fit semblant d'être malade pour rester seul à la maison et détruit 72 idoles qui étaient dans le temple. C'est ainsi qu'il obtint l'appellation honorable d'ami de Dieu Barshalilallah. Préface 2. Révélation ou Apocalypse d'Abraham. Du slave. MSS Codex Sylvester 1891, Milliseconde Palaea Interpretata. Extrait de Apocrypha Old Testament, p.375, de Spark, Oxford 1984. Une voix me dit à deux reprises. Abraham. Abraham. Je suis ici. Dis-je. Me voici, n'aie pas peur. Dit la voix. Je suis le Dieu puissant avant les âges. Je suis ton bouclier et je suis ton aide. Va me chercher un veau de 3 ans, une brebis de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une colombe et un pigeon, et présente-moi un sacrifice pur. Par ce sacrifice je vais te dire les secrets des âges et te déclarer les choses cachées. Tu verras de grandes choses que tu n'as pas jamais vues, car tu m'as cherché et aimé, et je t'ai appelé mon ami. Abstiens-toi de nourriture cuite au feu, de boire du vin, et ne toins pas d'huile pendant 40 jours, puis présente-moi le sacrifice que je t'ordonne sur une haute montagne à l'endroit que je te désignerai, et là je te montrerai les âges créés, établis et renouvelés par mes paroles, et je te dirai les choses qui vont arriver et ceux qui ont fait le mal et ceux qui ont fait justice à la race humaine. J'entendais la voix qui me disait ces paroles et regardais de ce côté, mais ne vis aucun souffle d'homme. Je fus terrifié, mes sens me quittèrent et je devins comme une pierre et tombai par terre. J'avais encore mon visage par terre quand j'entendis une voix dire « Venawal, sanctifie-moi cet homme en vertu de mon nom ineffable et qu'il soit fort de sa terreur. » L'ange qu'il m'envoya vint sous l'apparence humaine et me releva en prenant ma main droite, disant « Debout l'ami que Dieu aime et qu'aucune terreur humaine ne te retienne dans ses griffes. Voici, j'ai été envoyé vers toi pour te fortifier et te bénir dans le nom du Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui t'aime. Sois fort et viens avec moi le rencontrer en toute vitesse. Je suis Ilual Jaol, ainsi nommé par celui qui secoue ce qui est avec moi dans la 7e étendue au-dessus de l'arche célestielle, en vertu d'un pouvoir du nom ineffable qui réside en moi. Je suis celui qui est appointé par son ordre pour apaiser les créatures angéliques en discorde l'un l'autre et enseigner ce qui porte le décret du chant des humains à la 7e heure de la nuit. Je suis celui qui ordonne de retenir le Léviathan, car les attaques menaçantes de chaque reptile me sont soumises. Je suis celui qui a été commandé de desserrer le Sheol et détruire ceux qui s'émerveillent des choses mortes et fixent la mort. Je suis celui qui a été commandé de mettre le feu à la maison de ton père et la détruire avec lui, car il rend honneur aux choses mortes. Je suis maintenant envoyé vers toi pour te bénir et bénir la terre que l'être éternel que tu as invoqué a préparé pour toi. Et pour ta cause j'ai fait le voyage jusqu'à la terre. Debout Abraham, sois fort et viens. Réjouis-toi et sois de cœur joyeux, toi avec moi, pour l'honneur éternel qui a été préparé pour toi par l'être éternel. Viens porter le sacrifice que tu as été commandé, car voici que je suis appointé avec toi pour le peuple préparé qui naîtra de toi. Avec moi, Michael te donne sa bénédiction pour l'éternité. Sois fort, viens. Je me levai et regardai celui qui m'avait pris ma main droite et m'avait mis sur pied. Ses pieds, son corps était comme saphir et sa face comme chrysolite, la chevelure de sa tête comme neige, un bandeau de lin autour de sa tête comme arc-en-ciel, il portait des robes pourpres, à sa main droite une canne d'or. Et il me dit, « Abraham, voici ton servant. » Dis-je, « Ne t'effraie pas, ni te fâche à quoi je ressemble ou ce que je dise, mais viens avec moi. Je vais avec toi, dit-il, tu pourras me voir jusqu'au sacrifice, mais après le sacrifice tu ne me verras plus. Sois fort, viens. Nous sommes partis ensemble. » Et pendant 40 jours et 40 nuits je ne mangeais ni pain, ni ne bus d'eau. Car regardez l'ange était ma nourriture et sa conversation avec moi était mon boire. Arrivé à Horeb, la glorieuse montagne de Dieu, je dis à l'ange, chantre de l'être éternel, voici je n'ai aucun sacrifice avec moi, comment ferais-je sacrifice, si je ne connais aucun autel sur la montagne? « Regarde derrière toi, me dit-il. » Je regardais derrière moi et voici, Tous les sacrifices prescrits nous suivaient, veaux, chèvres, béliers, colombes et pigeons. Et l'ange me dit, Abraham, je suis ici. Dis-je, tu les tous et divise les animaux en deux et place chaque morceau en face de sa moitié. Ne divise pas les oiseaux, mais donne-les à ces hommes que je te montrerai, qui se tiendront près de toi, car ils sont l'autel sur la montagne où offrir le sacrifice à l'être éternel. Tu devras me donner la colombe et le pigeon, et je monterai sur les ailes des oiseaux, pour tout te montrer au ciel et sur terre, dans l'eau et aux abysses, dans les parties les plus basses, dans le jardin d'Éden et dans ses rives, dans la plénitude de l'univers et ses cercles, tu verras en tout. Je fis tout ce que l'ange me commanda et donnai les animaux divisés aux anges qui étaient venus vers nous, mais l'ange prit les oiseaux, et j'attendis l'offrande du soir. Un oiseau impur s'abattit sur les carcasses, mais je le repoussai et l'oiseau impur se mit à parler et me dit, « Que fais-tu Abraham sur les hauteurs sacrées où personne ne mange ni boit, où il n'y a pas de manger pour homme ? Toutes ces choses seront consumées par le feu où tu seras brûlé. Quitte l'homme qui est avec toi et fais ton évasion, car si tu persistes tu seras détruit. » Quand je vis l'oiseau parler, je dis à l'ange, « Qu'est-ce mon Seigneur ? » C'est le malveillant Azazil, dit-il. Le lot d'Abraham est dans les cieux, mais le tien est sur terre, lui dit-il. Honte à toi Azazil, Zazal, car tu as choisi et aimé vivre ici dans le lieu où réside ton impureté. C'est pourquoi le Souverain Éternel, le Tout-Puissant, t'a appointé une résidence sur terre. Par toi l'esprit du mal trompe, par toi le courroux et le malheur tombent sur les générations injustes. Cependant le Dieu éternel tout-puissant n'a pas décrété que les corps des justes soient entre tes mains, pour eux l'assurance d'une vie juste, mais la perdition pour les malfaisants. Entends insensé. Aie honte de toi-même et pars, car tu n'as pas été appointé pour tenter tous les justes. Laisse cet homme tranquille. Tu ne peux le contrôler. Car il est en inimitié contre toi et contre ceux qui te suivent et devenu sénile par ce que tu veux. Le vêtement de patriarche qui était réservé aux cieux pour toi et pour lui et la corruption qui était sienne est transposée sur toi. Abraham. Dit l'ange à Abraham. Je suis ton servant, dis-je. Par cette volonté de l'être éternel que tu connais, que tu as aimé et qui t'a choisi, sois fort et fais vigoureusement ce que je te dis sur celui qui porte atteinte à la vérité. Ne serais-je pas capable de réprouver celui qui a trahi les secrets célestiels et donné conseil contre le plus haut? Dis-lui, que tu sois un charbon brûlant dans la fournaise terrestre. Par Azazil dans les parties inaccessibles de la terre, car ta domination est sur ceux qui sont avec toi, avec les étoiles et les nuages, qui sont nés avec les hommes dont le lot est à toi et qui existent par toi et ton existence, car la justice est ton ennemi et pour cette raison ta ruine est scellée à ta perte. Hors de ma vue. Mais il me parla une seconde fois. Et l'ange me dit, quoi qu'il te dise, ne lui réponds pas pour que sa volonté ne prévaut pas sur toi, car avant les âges le plus haut lui avait donné poids et volonté sur ceux qui lui répondent. Et malgré qu'il me supplia de descendre avec insistance, je ne lui ai pas répondu, mais je dis les paroles que l'ange m'a prises, et Azazil partit dans les parties inaccessibles de la terre. Comme le soleil se couchait, voici de la fumée comme celle d'une fournaise, les anges qui avaient les victimes divisées s'élevèrent au-dessus de la fournaise fumante. L'ange me prit par la main droite et me plaça sur l'aile droite du pigeon et il s'assit lui-même sur l'aile gauche de la colombe qui n'avait pas été tuée et divisée. Il m'amena jusqu'au bord d'un feu ardent et nous sommes montés comme sur plusieurs vents jusqu'au ciel situé sur les étendues. Je vis dans l'air en haut où nous montions une grande lumière indescriptible, et par cette lumière, voici, un feu brûlant de gens, beaucoup de gens, tous des mâles, changeant d'apparence et de forme, courir ici et là, tandis qu'ils changeaient leur forme, se prosternant et s'exclamant d'une seule voix des paroles que je ne connais pas. Je dis à l'ange, pourquoi m'avoir amené à cet endroit que je ne peux voir, car maintenant mon esprit m'a quitté et je suis faible. Reste près de moi et n'aie pas peur, me dit-il. Celui que tu verras venir directement vers nous avec une grande voix sainte et l'être éternel, qui a placé son amour sur toi. Mais lui-même, tu ne le verras pas. Ne laisse pas ton esprit défaillir, car je suis avec toi pour te fortifier. Quand il eut parlé, voici, un feu circulaire vint vers nous. Il y avait dans le feu une voix, comme le bruit d'eau tumultueuse, comme le rugissement de la mer. L'ange avec moi s'inclina avec adoration. Je serais tombé prosterné en bas, mais la hauteur de l'endroit où nous étions se leva de lui-même et reflua en arrière l'instant après. Et il dit, « Adore seulement Abraham, et chante le chant que je t'ai appris, car il n'y a pas de sol où tomber. » Alors j'adorais seulement et je chantais le chant qu'il m'avait appris. Il dit, chante sans t'arrêter. Et je chantais et lui-même aussi chanta le chant. L'Éternel, le Puissant, le Saint, est le Dieu souverain, l'auto-engendré, l'incorruptible, le sans tache, le sans naissance, l'immaculé, l'immortel, l'auto-parfait, l'auto-illuminé, le fougueux, le juste, aimant de l'humanité, généreux, bienfaisant, mon défenseur, endurant, très miséricordieux. Élie, éternel, puissant, saint, Sabaoth, très glorieux, El Jawal. Tu es celui que mon âme a aimé, préservateur éternel, feu, brillance, à la voix de tonnerre, à l'aspect de lumière, aux nombreux yeux, qui reçoit les prières de ceux qui t'honorent. Lumière qui brille sur ta création avant la lumière du matin, de ton visage et sur terre le jour, l'autre lumière par l'inexprimable aurore des lumières de ton visage suffit au lieu d'habitation célestielle. Reçois ma prière et l'agrée avec plaisir ainsi que le sacrifice que tu as fait pour toi-même à travers moi qui te cherche. Reçois-moi favorablement et montre-moi, apprends-moi et dis à ton servant ce que tu m'as promis. Pendant que je chantais mon chant, les langues de feu de l'étendue s'élevèrent et j'entendis une voix, comme le rugissement de la mer, qui ne cessa malgré la force du feu. Comme le feu montait en flèche en hauteur, je vis sous le feu un trône de feu, autour une multitude ayant de nombreux chantés le chant, et sous le trône quatre êtres de feu vivants, merveilleusement bruyants, qui se ressemblaient et ayant quatre faces chacun, une face comme celle d'un lion, l'autre comme celle d'un homme, l'autre comme d'un bœuf, l'autre comme d'un aigle, chacun ayant quatre têtes à leur corps, et ainsi 16 faces pour les quatre êtres vivants, et chacun trois paires d'ailes, une paire à leurs épaules, l'autre au côté, et l'autre à leurs reins. Avec les ailes de leurs épaules, ils se couvraient leur visage, avec les ailes de leurs reins, ils se couvraient leurs pieds, et ils étiraient les ailes du centre, pour s'envoler en avant. Quand ils eurent terminé de chanter, ils se mirent à se regarder de manière menaçante. Dès que l'ange qui était avec moi et les vit se menacer l'un l'autre, il partit se précipiter vers eux pour tourner le visage de chacun des êtres vivants à son opposé afin qu'ils ne puissent pas voir les autres faces menaçantes, et il leur apprit le chant de paix qui a sa source dans l'être éternel. Alors que je me tenais seul et regardais, je vis derrière les êtres vivants un chariot avec des roues de feu, chacune remplie d'yeux tout autour et par-dessus les roues était le trône que j'ai vu, couvert de feu. Le feu l'encerclait tout autour et la lumière inexprimable d'une armée fougueuse l'encerclait. J'entendis leur voix sainte, comme la voix d'un seul homme. Et la voix vint, du milieu, du feu et me dit. Abraham. Abraham. Je suis ici. Dis-je. Regarde maintenant les étendues qui sont à Dieu, sous le firmament sur lequel tu te tiens, et vois comme il n'y a personne sur aucune étendue que celui que tu as cherché et qui a placé son amour sur toi. Tandis qu'il parlait, voici, les étendues partiraient de sous moi les cieux. Sur le septième firmament, sur lequel je me tenais, je vis un feu qui se déployait, en lumière et rosée, et une multitude d'anges. Je vis les êtres vivants et le pouvoir d'une inexprimable gloire d'en haut, mais je ne vis personne là. Je regardais d'en haut d'où je me tenais vers les six étendues et là je vis une multitude d'esprits angéliques sans corps. Ce sont ceux qui donnent instruction aux anges du septième firmament des hauteurs où j'étais, debout. Et voici, il n'y avait pas non plus d'autorité de quelque autre forme à cette étendue mais seulement les esprits angéliques. Le pouvoir que je vis au septième firmament commanda à la sixième étendue de se retirer et je vis alors à la cinquième étendue les autorités des étoiles et les ordres, dont elles sont instruites d'accomplir et les éléments terrestres qui leur obéissent. Abraham. Me dit le puissant éternel. Je suis ici. Dis-je. Regarde en bas ces étoiles, qui sont en dessous de toi, compte-les et dis-moi combien elles sont. Comment pourrais-je, moi qui suis un homme? D'après le nombre des étoiles et de leur force, j'appointerai ainsi tes descendants à une race de peuple, un peuple mis à part pour moi dans mon héritage d'Azazaï. Puissant éternel, que ton servant parle en ta présence et que ta fureur ne se provoque pas contre ton élu. Voici qu'Azazaï m'a ridiculisé avant que tu m'aies fait monter. Comment, alors qu'il n'est pas devant toi maintenant, te places-tu avec lui? Maintenant regarde l'étendue sous tes pieds, me dit-il. Maintenant considère comment l'Ancien a préfiguré la création par la création de cette étendue et les choses qui y sont et ont préparé l'âge d'après cela. Je regardais l'étendue à mes pieds et je vis dessous ce qui était au troisième ciel, la terre et ses fruits, les choses qui s'y meuvent, les choses qui y ont souffle, la force de ces hommes et son esprit impur, sa justice, et le commencement de ses travaux, les plus basses parties et en elles la destruction, les abysses et ses tourments. J'y vis la mer et ses îles, les troupeaux de ses poissons, le Léviathan et son domaine, son lit, ses cavernes et le monde qui s'étend au-dessus de lui, ses ondulations et les destructions qu'il cause dans le monde. J'y vis les rivières, leur montée et leur parcours. Et là je vis le jardin d'Éden et ses fruits, la source des rivières qui en sortent, ses bosquets et leurs fleurs, et ceux qui font eux bien. J'y vis leur subsistance de paix. J'y vis un afflux de peuples, hommes, femmes et enfants, la moitié d'eux à la droite de la Seine et la moitié d'eux à la gauche de la Seine. Et je dis, puissant éternel, quelle est cette Seine de création? C'est ma volonté de ce qui est, conseil, dans le monde, me dit-il, et j'étais satisfait avec ça. Ensuite je leur donnai l'ordre par ma parole et tout ce que j'ai planifié de venir à l'existence, qui était déjà préfiguré par cela, car tout ce que tu as vu se tient devant moi avant qu'ils aient été créés. Éternel, souverain puissant. Qui sont les peuples d'un côté et d'autre de la Seine? Dis-je. Ceux sur la gauche sont les nombreux peuples qui ont existé dans le passé, constitués d'après toi, certains pour le jugement restaurateur, certains pour la vengeance damnatrice, jusqu'à la fin des âges, me dit-il. Et ceux à la droite de la Seine sont les peuples mis à part, pour moi d'après les peuples, étant avec Azazil. Ce sont ceux que j'ai préparés de naître de toi et qui seront appelés mon peuple. Regarde encore dans la scène, qui est celui qui contrôle Ève et quel est le fruit de l'arbre, pour que tu apprennes ce qui sera et ce qui arrivera en ton nom parmi les peuples au cours de cet âge. Et si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer ce qui arrivera à tes descendants au cours des années et je vais te dire les choses que je garde dans mon cœur. Je regardais la scène et mes yeux coururent du côté du jardin d'Éden où je vis un homme immensément grand et ton âme robuste, tel que je n'avais jamais vu avant, qui embrassait une femme d'égale stature et apparence à l'homme. Il se tenait sous un des arbres d'Éden et le fruit de cet arbre ressemblait à une grappe de date. Derrière l'arbre se tenait ce qui ressemblait à un serpent, avec des mains et des pieds comme à un homme, des ailes sur ses épaules, 3-6 à sa droite et 3-6 à sa gauche. Ils tenaient dans leurs mains une grappe de l'arbre, qui ingurgita les deux, que j'avais vus s'embrasser. Et je dis, qui sont ceux qui s'embrassent? Qu'est-ce qui se tient entre eux? Et quel est le fruit qu'ils ont mangé, puissant éternel? Dis-je. C'est le monde, conseil, des humains. C'est Adam et son désir du terrestre qui est Ève, dit-il. Et ce qui est entre eux est la mauvaise voie qu'ils ont entamée vers la perdition, c'est-à-dire Azazil. Puissant éternel. Pourquoi avoir de cette façon autorisé et accordé à quelqu'un comme lui de détruire la race des hommes à travers ce qu'ils font sur terre? Dis-je. Écoute Abraham, je hais ceux qui désirent le mal à cause de ce qu'ils font. Je lui ai accordé sur eux la domination et d'être aimé d'eux, me dit-il. Puissant éternel. Pourquoi as-tu voulu que les hommes aient le désir du mal dans leur cœur? Répondis-je, alors que tu es en colère d'avoir toi-même voulu qu'un homme aille après les choses qui n'ont aucune valeur dans ton monde. C'est comme une injure aux nations pour ta cause. Car pour la cause des peuples de ta race se met à part d'après toi, dont tu verras les souffrances dans la scène. Je te dirai ce qui t'arrivera et ce qui survivra dans les derniers jours, me dit-il. Maintenant regarde toi-même la scène. Je regardais et vis les choses qui étaient devant moi dans la création. Je vis ce qui ressemblait à Adam, et Ève avec lui, et avec eux le malin ennemi, Caïn qui faisait le mal à travers l'ennemi, l'assassinat d'Abel, la destruction que le malfaisant apporta et lui donna. J'y vis la fornication et ceux qui en ont la convoitise, combien démoniaques, et combien ils sont fervents, et le feu de leur corruption dans les plus basses parties de la terre. J'y vis les voleurs et ceux qui sont impliqués, comment ils s'y prennent et leur rétribution par la justice du grand jugement. J'y vis des hommes nus ayant le front l'un contre l'autre, leur honte et passion de l'un pour l'autre, et leur rétribution. J'y vis le désiré, dans ses mains, la source de toutes sortes de crimes, ses silences forcés et ses ordures données à la destruction. J'y vis ce qui ressemblait à l'idole de jalousie, comme l'une des images de bois gravé que mon père faisait de laiton scintillant, et devant un homme qui la vénérait, devant lui un autel, avec un jeune homme massacré dessus, devant l'idole. Et je lui dis, quelle est cette idole? Quel est cet autel? Qui est la victime? Qui est-ce qui le sacrifie? Et quel est le temple que je vois si bellement construit? Sa beauté comme ta gloire sous le trône. Écoute Abraham, ce temple et l'autel que tu as vu et l'habile artisan sont à l'idée de la sainteté de mon glorieux nom en qui se réjouissent tous les hommes de prière, les prophètes et les rois qui se portent à tout sacrifice que je leur commanderai de me faire parmi mon peuple qui viendra de ta race, dit-il. Mais l'idole que tu as vue est ma colère par laquelle mon peuple qui viendra de toi va me provoquer. L'homme que tu as vu faire l'offrande, c'est celui qui me provoquera par des sacrifices assassins, témoignage pour moi au jugement de la fin, depuis le commencement de la création même. Puissant éternel, dis-je, pourquoi as-tu commandé que ce soit comme ça? Ne peux-tu pas détourner cette preuve crochet de négation V, par laquelle tu établiras qu'il en est ainsi pour la déclaration de l'argument? Écoute Abraham, accepte ce que je te dis. Donne-moi une réponse à ce que je vais te demander. Ton père Terah, pourquoi ne prêtait-il aucune attention à ce que tu disais pour se défaire de l'idolâtrie démoniaque avant que toute sa maison périsse avec lui? Me dit-il. Très éternel. Pour la seule raison qu'il ne voulait pas m'écouter, dis-je, mais je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Écoute Abraham. La lumière, conseil, qui était dans ton père comme ta lumière, conseil, en toi, ainsi est la lumière, conseil, de ma volonté en moi, dit-il, préparé d'avance pour les jours à venir, que tu ne peux connaître, ni voir de tes propres yeux ce qui arriveront en eux et qui sont pour tes descendants. Regarde la scène. Je regardais et je vis, et voici, la scène commença à bouger. De sa gauche un peuple barbare, courut et pilla ceux de la droite, hommes, femmes et enfants. Certains furent tués et certains emprisonnés. Je les vis courir vers eux durant 4 générations, et ils mirent le feu au temple et pillèrent les choses saintes qui s'y trouvaient. Et je dis, Éternel, voici, les hordes d'idolâtres pillent le peuple que tu m'as attribué. Ils sont tués et certains sont gardés pour aller en exil. Ils ont mis le feu au temple et ils volent les ouvrages qui s'y trouvent. Puissant Éternel. Si c'est ainsi, pourquoi avoir attristé mon cœur, et pourquoi cela doit être ainsi? Écoute Abraham, tout ce que tu as vu doit être. Tes descendants provoqueront ma colère avec le meurtre et l'idole que tu as vu dans la scène, comme tu as vu l'idole de jalousie dans le temple, dit-il. Puissant Éternel. Que le mal des injustes trépasse. Ordonne des châtiments pour eux. Dis-je. Montre-moi les actes justes de ceux-là, car tu peux faire cela. La période des justes viendra en premier par la sainteté des rois, ceux qui sont intègres. Je jugerai ceux que j'ai créés, pour dominer sur eux en premier. Car c'est par eux que les hommes prendront soin d'eux-mêmes comme je t'ai dit et que tu as vu, me dit-il. Saint et puissant par ta force. Fais grâce à ma prière et répondre ce que demande ton bien-aimé. Est-ce que ce que j'ai vu de durera longtemps? Dis-je. Il me montra un grand groupement de son peuple et me dit. Ils vont me provoquer sur 4 générations comme tu as vu. Je ferai venir sur eux la rétribution pour ce qu'ils font jusqu'à la 4e génération, 100 ans et 1 heure d'âge de garde dans l'oppression, parmi les idolâtres et leur est pour leur grâce au milieu même des reproches des idolâtres. Éternel, combien dure 1 heure de l'âge? Dis-je. Je l'ai déterminé dans les 12 ans de garde de cet âge impie parmi les idolâtres. Tout ce que tu as vu viendra directement sur tes descendants jusqu'à la fin du temps, dit-il. Maintenant fais le calcul de tes mesures et examine la scène. Je vis un homme sortir de la gauche, du côté des idolâtres, une grande foule de peuples, hommes, femmes et enfants, sortir du côté des idolâtres et ils l'honorèrent. Et tandis que je regardais, certains d'eux sortirent de la droite ce mégaoctéqué de cet homme et d'autres l'attaquèrent, mais certains d'eux l'honorèrent. Je le vis honorer. Azazil courut et honora, mais après avoir embrassé sa face, il s'en détourna et se tint par derrière. Et je dis, puissant éternel, qui est l'homme qui est moqué et attaqué, honoré par les idolâtres et Azazil? Dis-je. Écoute Abraham. L'homme que tu vois moqué et attaqué, et encore honoré, est le répit du peuple des idolâtres, qui sortira de toi dans les derniers jours, dans la 12e année de l'âge impie, me répondit-il. Mais dans la 12e année de la fin de mon âge, je relèverai cet homme que tu as vu parmi tes descendants pour mon peuple, et tous l'imiteront et comprendront être appelés par moi et changeront leurs pensées, conseils. Ce que tu as vu sortir du côté gauche de la scène pour l'honorer, cela signifie que de nombreux idolâtres vont croire en lui. Et comme tu as vu de tes descendants du côté droit, ils vont se moquer de lui et l'attaquer, et certains vont l'honorer. Parmi eux beaucoup trouveront en lui une pierre d'achoppement, seront éloignés par lui, et à la 12e heure de la fin il mettra à l'épreuve ceux de tes descendants qu'il honore afin de raccourcir la impie. Mon jugement s'accomplira par tes descendants sur les 100 lois idolâtres avant que la nouvelle croissance de la juste commence à se montrer par le peuple mis pour moi à part. En ces jours, sur toutes les créatures de la terre, j'apporterai 10 plaies de malheur, maladie et plainte amère d'âme. J'apporterai tout cela sur les générations d'hommes sur terre à cause de leurs mœurs ou vices par lesquels ils provoquent ma colère. Les seuls qui seront épargnés parmi tes descendants sont les justes, ô nombre scellé sous ma garde, qui s'empressent à la gloire de mon nom, jusqu'au lieu préparé d'avance, pour eux que tu as vu dévaster dans la scène. Dans la juste, ils vivront par des sacrifices établis et des offrandes de justice et de vérité, et ils se réjouiront en moi à toujours. Je me retrouvai sur terre pendant qu'ils parlaient. Et je dis, Éternel, je ne suis plus dans la gloire où j'étais au-dessus, et je ne comprends pas ce que mon âme désire comprendre avec cœur. Je dirai ce que ton cœur désire, me dit-il. Tu désires voir les 10 plaies que j'ai préparées contre les idolâtres et celles que j'ai préparées après l'écoulement de la 12e heure sur terre. Écoute ce que je vais révéler. La première sera une grande détresse par le manque. En deuxième, la mise en flamme des villes. En troisième, la destruction du bétail par maladie. En quatrième, la famine du monde par leur génération. En cinquième, la destruction parmi les dirigeants par des ravages de tremblements de terre et l'épée. En sixième, les déluges de grêle et de neige. En septième, les animaux sauvages seront leur tombe. En huitième, famine et maladie. En neuvième, rétribution par l'épée et frappe de terreur. En dixième, tonnerre, voix et tremblement de terre pour la destruction. Je sonnerai alors la trompette, à partir de l'air j'enverrai mon élu et avec lui une égale mesure de tous mes pouvoirs, pour qu'il convoque mon peuple méprisé, parmi les idolâtres, et je mettrai au feu ceux qui les ont injuriés et qui avaient supériorité sur eux dans l'âge, je donnerai au mépris ceux qui ont versé leur mépris sur moi dans l'âge à venir, car je les ai assignés pour alimenter le feu du Shéol et voler sans arrêt sous terre, dans l'air des profondeurs, remplir le ventre des vers. Et ceux qui ont agi avec droiture, qui ont choisi ma volonté, et ont ouvertement gardé mes ordres se verront ici. Ils se réjouiront avec joie à la destruction des hommes qui restent à suivre les idoles et le meurtre, et qui pourriront dans le ventre du sournois Azazil et brûleront du feu de la langue d'Azazil, car je souhaitais qu'ils viennent à moi et ils n'ont pas voulu, mais ils donnèrent leur louange à un étranger et se joignirent à celui pour lequel ils n'étaient pas destinés et abandonnèrent le puissant souverain. Abraham entendit et vit. Voici, ta 7e génération ira avec toi dans une terre étrangère, qui les mettra en esclavage et les affligera peine dans une heure de la impie. Mais je jugerai le peuple auquel ils seront soumis. Et le Seigneur dit encore. Abraham, comprends ce que je t'ai dit sur ce qui arrivera à ta race dans les derniers jours. Testament d'Abraham. Abraham compléta la mesure de sa vie avec calme, douceur et droiture toutes les années de sa vie. Ce juste était hospitalier à l'extrême. Il avait planté sa tente aux intersections du chêne de Moré et accueillait toute personne, riche, pauvre, roi, gouverneur, l'handicapé et le délaissé, amis, étrangers, voisins, et voyageurs ensemble. Abraham les entretenait tous également, entier crochet de négation romand dévoué, juste et saint. Cependant le sort commun, inexorable loi amère de la mort, survint sur lui. Quand les jours d'Abraham arrivèrent à terme, le Seigneur Dieu convoqua son archange Michaël et lui dit « Chef capitaine Michaël, descends vers Abraham lui parler au sujet de sa mort, pour qu'il mette ses affaires en ordre, car je l'ai béni comme les étoiles du ciel et comme le sable du bord de mer. Il est plein de longue vie et devenu extrêmement riche de nombreuses possessions, et par-dessus tout, il est juste avec bienveillance, hospitalier et aimant la vie jusqu'à la fin. Archange Michaël, va vers mon bar vertical interrompu ami Abraham lui annoncer sa mort et le rassurer ainsi. Tu partiras ici de ce monde vain, tu quitteras le corps pour aller dans la bonté de ton Seigneur. 2. Le chef capitaine quitta la face de Dieu pour descendre aux chênes de Moré vers Abraham. Il trouva le juste Abraham assis près des joues des bœufs, près du champ à labourer avec les fils de Mazek et autres domestiques ensemble, au nombre de 12. Voici, le chef capitaine alla vers lui. Voyant venir de loin Michaël le chef capitaine, Abraham se leva comme en face d'un combattant et alla à sa rencontre suivant sa coutume d'accueillir et s'entretenir avec tout étranger. Le chef capitaine le salua et dit « Aïe très honoré Père, âme juste élu de Dieu, vrai fils de l'être céleste. Aïe très honoré combattant !» dit Abraham au chef capitaine. « Bienvenue, toi qui brilles comme le soleil, plus beau d'entre tous les fils des hommes. Je sollicite ta présence. Dis-moi d'où te vient la jeunesse de ton âge, apprends à ton suppliant de quelle armée, d'où et par quel voyage, ta beauté est venue jusqu'ici? Je viens de la grande ville, juste Abraham. Je suis envoyé par le grand roi pour prendre la place d'un bon ami à lui, car le roi le demande, dit le chef capitaine. Viens mon seigneur, viens avec moi jusqu'à mon champ, dit Abraham. Je viens, dit le chef capitaine. Arrivé au champ du labourage, ils s'assirent à côté de la compagnie. Abraham dit au fils de Mazek, ses serviteurs, allez amener du troupeau de chevaux apprivoisés, tranquilles et doux, pour que cet étranger et moi puissions s'y asseoir. Mon seigneur Abraham, non, ne les fais pas amener les chevaux. Je m'abstiens à toujours de m'asseoir sur n'importe quel quadrupède, dit le chef capitaine. Mon roi n'est-il pas riche de beaucoup de marchandises, ayant puissance sur les hommes et sur toute espèce de bétail? Je m'abstiens à toujours de m'asseoir sur n'importe quel quadrupède. Allons ô âme juste, marchons simplement jusqu'à ce que nous arrivions à ta maison. Amen, que ce soit ainsi, dit Abraham. 3. Pendant qu'ils allaient du champ à sa maison, près de ce chemin se tenait un arbre cyprès qui se mit à pleurer d'une voix humaine par ordre du Seigneur et dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui appelle à lui ceux qu'il aime. » Abraham garda le mystère, pensant que le chef capitaine n'avait pas entendu la voix de l'arbre. Arrivé près de la maison, ils s'assirent dans la courée. Lorsqu'Isaac vit la face de l'ange, il dit à Sarah sa mère, « Vois madame mère, l'homme assis avec père Abraham n'est pas de la race de ceux qui habitent sur la terre. » Isaac courut le saluer et tombait aux pieds de l'incorporel. L'incorporel le bénit, disant, « Le Seigneur Dieu t'accordera sa promesse faite à ton père Abraham et sa semence. Il t'accordera également la précieuse prière de ton père et ta mère. Abraham dit à son fils Isaac, « Isaac mon fils, puise l'eau du puits et me la porte dans le bassin, que nous puissions laver les pieds de cet étranger, car il est fatigué d'avoir voyagé de si loin vers nous. » Isaac courut au puits verser l'eau dans le bassin et le rapporta. Abraham se leva laver les pieds du chef capitaine Michaël. Le cœur d'Abraham fut dérangé et il pleura au-dessus de l'étranger. Voyant son père pleurer, Isaac pleura également, et allait voir pleurer le chef capitaine, pleura aussi avec eux et aussitôt les larmes du chef capitaine tombées au-dessus du bassin d'eau devinrent des pierres précieuses. Abraham s'émerveilla à la vue de ce prodige. Il prit discrètement les pierres et garda le mystère pour lui dans son cœur. 4. Et Abraham dit à son fils Isaac, « Mon fils aimé, va à la pièce centrale de la maison et embellis-la. Étends deux nattes pour nous, une pour cet homme qui est notre invité en ce jour et une pour moi. Prépare-nous une table avec l'abondance de toutes les bonnes choses, avec un banc et un chandelier. Embellis pour nous la pièce, mon fils. Étends dessous une toile pourpre de fin lin et brûle des essences de précieux encens pris des plantes d'odeur douce du jardin pour remplir notre maison. Allume cette lampe pleine d'huile pour pouvoir nous divertir, car en ce jour notre invité est plus glorieux que les rois et les gouverneurs et son aspect surpasse tous les fils des hommes. » Isaac prépara bien toutes les choses. L'archange Michaël et Abraham entrèrent dans la pièce et s'assirent tous deux sur les nattes, une table placée entre eux avec l'abondance de toutes bonnes choses. Le chef capitaine se leva et sortit monté en un clin d'œil au ciel se tenir devant le Seigneur et lui dire « Maître Seigneur, je fais savoir à ton autorité que je suis incapable de rappeler sa mort à cet homme juste. Je n'ai pas vu sur terre un homme aussi indulgent, juste et hospitalier, vraiment dévoué et s'abstenant de toute mauvaise intention comme lui. Sache maintenant, Seigneur, que je ne peux pas lui rappeler sa mort. Chef capitaine Michaël, descends vers mon ami Abraham. Fais tout ce qu'il te dira et mange tout ce qu'il mange avec lui, dit le Seigneur. J'enverrai mon Saint-Esprit sur son fils Isaac pour mettre sa mort en mémoire dans le cœur d'Isaac, pour voir lui-même la mort de son père dans un rêve qu'il rapportera. Tu l'interpréteras pour qu'il sache lui-même sa fin. Seigneur, tous les esprits incorporels célestes ne mangent, ni ne boivent, et cet homme a mis devant moi une table avec l'abondance de toutes les bonnes choses terrestres corruptibles. Que faire maintenant, Seigneur? Comment lui échapper assis à une table devant lui? Dit le chef capitaine. Descends vers lui et n'aie aucune pensée pour ça. Car quand tu seras assis avec lui, j'enverrai sur toi un esprit dévorant qui consommera tout ce qui est sur la table de tes mains à ta bouche. Réjouis-toi en tout ensemble avec lui, seulement interprète bien les choses de la vision pour qu'Abraham connaisse la faucille de la mort et prenne disposition de toutes ses possessions, parce que je l'ai béni par-dessus le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Dit le Seigneur. 5. Le chef capitaine descendit vers la maison d'Abraham, s'assit à table avec lui et Isaac les servit. Quand le dîner fut terminé, Abraham pria selon sa coutume et le chef capitaine pria ensemble avec lui, puis chacun s'étendit dormir sur sa natte. Isaac dit à son père, « Moi aussi père je m'étendrai bien avec toi dans cette pièce. J'aimerais écouter l'excellent langage de cet homme vertueux et pourrais également entendre ta conversation. Né mon fils, va dans ta chambre dormir sur ta natte, de crainte que nous ennuyions cet homme, dit Abraham. Et après avoir reçu leur bénédiction et les avoir aussi bénis, Isaac alla se coucher dans sa chambre. Le Seigneur envoya la pensée de mort au cœur d'Isaac comme dans un rêve et Isaac se réveilla à la troisième heure de la nuit. Il se leva et vint en courant dans la pièce où dormaient son père et l'archange. Arrivé à la porte, Isaac pleura et dit, « Lève-toi, père Abraham, ouvre-moi vite que j'entre avant qu'il te prenne loin de moi. » Abraham se leva et ouvrit. Isaac entra et s'accrocha à son cou, il se mit à pleurer à haute voix. Le cœur troublé, Abraham pleura aussi à haute voix, et les voyant pleurer, le chef capitaine pleura également. Sarah entendit leurs pleurs de sa chambre et vint vers eux en courant, les trouvant enlacés et dans les larmes. Sarah pleura et dit, « Que se passe-t-il, mon seigneur Abraham, pour que tu pleures? Est-ce ce frère avec qui tu t'es entretenu en ce jour, qui apporte des nouvelles de la mort de Lot, le fils de ton frère? Dis-moi, mon seigneur, est-ce pour cela que vous vous affligez? Non, ma sœur Sarah, ce n'est pas comme tu dis. » répondit le chef capitaine. Ton fils Isaac a eu un rêve et est venu à nous en pleurant et nos cœurs se sont troublés en le voyant. 6. À entendre l'excellent langage du chef capitaine, Sarah sut immédiatement que c'était l'ange du Seigneur qui parlait. Sarah signifia à Abraham d'aller vers la porte et lui dit, « Sais-tu qui est cet homme, mon Seigneur ?»« Je ne sais pas, » dit Abraham. Mon Seigneur se rappelle les trois hommes du ciel avec qui nous avons parlé dans notre tente près du chêne de Moré. Tu avais mis une table devant eux et tu es un petit sans défaut, et après que la chair fut mangée le petit s'est relevé et a tété sa mère en grande joie. C'est un des trois hommes saints qui nous ont donné Isaac en promesse du fruit de la matrice. Dit Sarah. Gloire à notre Père, louange à Dieu. Dit Abraham. En cela tu dis vrai Sarah. Tard en soirée mon cœur m'a dit, voici les pieds d'un des trois hommes que j'ai déjà lavés, et quand je lui lavais les pieds, les larmes qui tombaient ruinées dans le bassin sont devenues des pierres précieuses. Regarde-les maintenant. Dit-il, secouant son vêtement pour les donner à Sarah. Sarah les prit, s'inclina d'un salut, et dit, gloire à Dieu qui nous montre de merveilleuses choses. Seigneur Abraham, sache qu'il y a parmi nous à présent la révélation d'une chose certaine, bonne ou mauvaise. 7. Abraham quitta Sarah, entra dans la pièce et dit à Isaac, viens ici fils aimé et dis-moi la vérité. Qu'as-tu vu et qu'est-il arrivé pour être si vite venu à nous? Mon Seigneur, cette nuit j'ai vu le soleil et la lune au-dessus de ma tête m'entourer de leurs rayons et me donner lumière, répondit Isaac. Je m'en réjouissais en regardant fixement. Puis le ciel s'ouvrit et je vis descendre un homme porteur de lumière, plus brillant que cet soleil. Cet homme, venu comme le soleil, prit le soleil de ma tête et partit en haut dans les cieux d'où il était venu. J'étais très affligé parce qu'il avait pris le soleil de moi. Un temps après avoir été agité d'accablement, je vis cet homme venir du ciel pour la deuxième fois et me prendre aussi la lune de ma tête. Je pleurais beaucoup et appelai cet homme de lumière, disant, « Non mon Seigneur, n'emporte pas ma gloire de moi. Aie pitié de moi et m'écoute, si tu emportes de moi le soleil, laisse-moi la lune. Supporte qu'il soit pris au-dessus, vers le roi, dit-il, car il les souhaite là. Il les prit loin de moi mais laissa sur moi les rayons. Le chef capitaine dit, écoute juste Abraham. Le soleil que ton fils a vu c'est toi son père, et la lune c'est sa mère Sarah également. L'homme portant lumière descendu du ciel, c'est l'envoyé de Dieu qui doit prendre de toi ton âme juste. Apprends maintenant très honoré Abraham qu'au moment où tu laisseras cette vie terrestre, tu seras déplacé vers Dieu. Au plus étrange des merveilles. Es-tu celui qui doit prendre maintenant mon âme de moi? Dit Abraham au chef capitaine. Je suis le chef capitaine Michaël qui se tient devant le Seigneur. J'ai été envoyé pour te rappeler ta mort, et je retournerai vers lui comme j'ai été commandé, lui dit le chef capitaine. Je sais maintenant que tu es un ange du Seigneur envoyé pour prendre mon âme. Fais ce qui t'a été commandé, mais je n'irai pas encore avec toi, dit Abraham. 8. À entendre ces mots, aussitôt le chef capitaine disparut pour monter au ciel. Il se tint devant Dieu pour rapporter tout ce qu'il avait vu dans la maison d'Abraham, et le chef capitaine dit aussi à son seigneur. Et maintenant votre ami Abraham a dit, fais ce qui t'a été commandé, mais je n'irai pas encore avec toi. Seigneur Tout-Puissant, ta gloire du royaume immortel commande-t-elle tout? Dieu dit au chef capitaine Michaël. Va de nouveau chez mon ami Abraham et parle-lui ainsi. Ainsi dit le Seigneur ton Dieu, qui t'a amené à la terre de promesse, qui t'a béni par-dessus le sable de la mer et par-dessus les étoiles du ciel, qui a ouvert la matrice stérile de Sarah et permis Isaac comme fruit de la matrice à la vieillesse. Je te dis qu'en bénissant, je te bénirai véritablement, qu'en multipliant, je multiplierai ta semence et te donnerai tout ce que tu me demanderas, car je suis le Seigneur, ton Dieu, et moi seul. Dis-moi pourquoi te rebeller contre moi? Pourquoi y a-t-il grief en toi pour te rebeller contre mon archange Michaël? Ne sais-tu pas que tous ceux venus d'Adam et Ève sont morts et qu'aucun des prophètes n'a échappé à la mort? Aucun de ceux qui gouvernent comme roi n'est immortel, aucun de vos ancêtres n'a échappé au mystère de la mort. Ils sont tous morts, tous partis dans le Shéol, tous cueillis par la faucille de la mort. Mais sur toi je n'ai pas envoyé la mort, je n'ai permis qu'aucune maladie mortelle ne vienne sur toi, je n'ai pas permis que la faucille de la mort te saisisse, je n'ai pas permis au filet du Séol de te recouvrir, je n'ai jamais souhaité qu'aucun mal te saisisse, mais j'ai envoyé un bon renfort Michaël, mon chef capitaine, vers toi pour annoncer ton départ de ce monde, que tu places en ordre ta maison avec tout ce qui t'appartient et bénisse Isaac ton bar vertical interrompu fils. Maintenant sache que j'ai fait ceci en souhaitant ne pas vous affliger, alors pourquoi avoir dit à mon chef capitaine, je n'irai pas avec toi? Pourquoi avoir parlé ainsi? Ne sais-tu pas que si je laisse aller la mort venir sur toi je n'aurai pas à voir si tu viendrais ou non? 9. Le chef capitaine reçut les encouragements du Seigneur et descendit vers Abraham, qui se leva dès qu'il le vit. Le chef capitaine, prince, dit tout ce qu'il avait entendu du Très-Haut, et le juste tomba face à terre comme mort. Le saint et juste Abraham se jeta aux pieds de l'incorporel et le supplia en larmes. Je t'implore, chef capitaine des armées du dessus, puisque tu as entièrement daigné venir toi-même vers moi, ton serviteur indigne et pécheur en toutes choses, je t'implore quand même au chef capitaine de porter ma parole de nouveau au Très-Haut et lui dire, ainsi parle votre serviteur Abraham, Seigneur, Seigneur. En tout ce que je t'ai demandé, action et parole, tu m'as entendu et réalisé tous mes conseils. Seigneur, je ne résiste pas maintenant à ton pouvoir, car moi aussi je sais que je ne suis pas immortel mais mortel, parce que toute chose se rapporte avec crainte à ton ordre et tremble face à ton pouvoir, et moi aussi je crains. Mais je te fais une demande. Entends maintenant ma prière, Seigneur Maître. Je désire voir toute la terre pendant ma vie avant que je meure. Après que je vois par ce corps toutes les créations que tu as établies d'une parole, je partirai sans douleur. Le chef capitaine revint se tenir devant Dieu et lui rapporta tout. Ainsi parle Abraham votre ami, je désire voir toute la terre pendant ma vie avant que je meure. Entendant cela, le Très-Haut donna cet ordre au chef capitaine Michaël. prend un nuage de lumière des anges qui ont pouvoir sur les chariots et descendait prendre le juste Abraham sur un chariot de chérubim, exaltez-le dans les airs du ciel pour qu'il puisse voir toute la terre. 10. L'archange Michaël descendit prendre Abraham et l'amener sur le nuage avec 60 anges ensemble et chariots de chérubim pour l'exalter dans les airs du ciel. Abraham monta sur le chariot au-dessus de toute la terre et ce jour-là Abraham vit le monde comme il était. Certains labouraient, certains conduisaient des charrettes, à un endroit des hommes nourrissaient des troupeaux. Il en vit d'autres de nuit qui jouaient de la harpe et dansaient, à un autre endroit des hommes s'opposaient en contestant la loi, ailleurs des hommes pleuraient en mémoire des morts. Il vit aussi le nouveau fiancé reçu avec honneur. En un mot, il vit toutes choses qui se font dans le monde, tant bien que mal. Passant au-dessus, Abraham vit des hommes qui portaient des épées et tenaient le tranchant dans leurs mains. « Qui sont ceux-là ? » demanda-t-il au chef capitaine. « Des voleurs qui ont l'intention d'assassiner, de voler, de brûler et détruire, » dit le chef capitaine. « Seigneur, Seigneur !» dit Abraham. « Entends ma voix. Ordonne aux bêtes sauvages de sortir du bois pour les dévorer. » Pendant qu'il parlait, les bêtes sauvages sortirent du bois et les déchiquetèrent. À un autre endroit il vit un homme et une femme faire l'un et l'autre fornication. « Seigneur, Seigneur !» dit-il. Ordonne à la terre de s'ouvrir pour les avaler. La terre se fendit et les avala immédiatement. À un autre endroit, il vit des hommes creuser à travers une maison et prendre à d'autres leur possession. Seigneur, Seigneur, dit-il. Ordonne au feu de descendre du ciel pour les consumer. Pendant qu'il parlait, le feu descendit du ciel et les consuma. Et une voix vint directement du ciel dire au chef capitaine. Chef capitaine Michaël. Ordonne d'arrêter le chariot et détourne Abraham, qu'il ne puisse pas voir toute la terre, car Abraham n'a aucune pitié pour les pécheurs, parce qu'il est sans péché, et quand il voit tous ceux qui vivent dans le mal, il détruirait tous les créés. Mais j'ai fait le monde et je ne souhaite qu'aucun de soit détruit mais attends qu'il se convertisse et vive avant que le pécheur meure. Amène Abraham à la première porte du ciel, qu'il puisse voir les jugements et les rétributions, et le repentir des âmes coupables et qu'il a détruites. 11. Michaël détourna le chariot et emmena Abraham à la première porte du ciel, à l'est. Abraham vit deux passages, l'un compact et étroit, l'autre large et spacieux, et il vit deux portes, la large sur le passage large et l'étroite sur le passage étroit. À l'extérieur des deux portes, il vit un homme qui était assis sur un trône doré, terrible d'apparence comme pour le Seigneur. De nombreuses âmes vinrent franchir la porte large sous la conduite des anges, et d'autres âmes peu nombreuses furent conduites par des anges à la porte étroite. Quand l'être merveilleux qui reposait sur le trône d'or vit qu'il y en avait si peu entrés par la porte étroite, mais beaucoup par la porte large, il tordit les cheveux de sa tête et les côtés de sa barbe, se jeta soudainement de son trône à terre, pleurant et gémissant. Et lorsqu'il vit plus d'âmes entrées par la porte étroite, il se releva de terre et se rassit sur son trône avec allégresse, jubilant de joie. Abraham demanda au chef capitaine, « Monseigneur chef capitaine, qui est cet homme plus merveilleux et distingué d'une telle gloire, qui pleure en gémissant et parfois jubile de joie ? C'est dans une telle gloire que le premier créé Adam surveille le monde, puisque tous sont venus de lui. » Il se relève s'asseoir sur son trône lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer la porte étroite, exultant et se réjouissant de joie, car cette porte mène à la vie et les justes qui passent entrent dans le paradis, dit l'être incorporel. Le premier créé Adam est dans la joie quand il voit les âmes sauves. Mais lorsqu'il voit de nombreuses âmes passer par la porte large, il tire les cheveux de sa tête en se jetant au sol et se lamente en pleurant amèrement, car la grande porte conduit au châtiment éternel de la destruction des pécheurs, et Adam le premier créé tombe de son trône, dans les larmes et grandes lamentations à la destruction des pécheurs, car beaucoup sont perdus et peu sauvés. Sur 7,000 âmes, une à peine est trouvée sauve, juste et sans tache. 12. Alors qu'il me disait ces choses, voici, deux anges à l'aspect du feu, au regard sévère, à l'esprit sans miséricorde, conduisent des milliers d'âmes en les fouettant par des lanières de feu sans égard. L'ange retint l'âme de l'un et conduisirent toutes les autres à la large porte de la destruction. Nous sommes aussi allés avec les anges et avons passé cette large porte. Placé entre les deux portes est un trône terrifiant d'aspect, de cristal extrêmement scintillant, comme du feu, et dessus assis un homme merveilleux, brillant comme le soleil, comme le Fils de Dieu. Devant lui, une table comme cristal, toute d'or et de toile fine, où est posé un livre de 3 mètres d'épaisseur et 5 mètres de large. À sa droite et sa gauche, deux anges qui tiennent le papier, l'encre et le crayon. Devant la table, assis, un ange de lumière tient dans sa main une balance, et à sa gauche, assis, un ange ardent de feu, sévère et sans miséricorde, en lui le feu très consumant pour éprouver tous les pécheurs, qui tient dans sa main une trompette. Assis sur le trône, l'homme merveilleux juge et condamne lui-même les âmes. À droite et à gauche, les deux anges écrivent à droite la droiture et à gauche le mal. Devant la table, l'être qui tient la balance pèse les âmes et l'ange de feu qui tient le feu éprouve les âmes. Que voyons-nous ? Demanda Abraham au chef capitaine Michaël. Ce que tu vois, Saint Abraham, est le jugement et la rétribution, dit le chef capitaine. Voici, l'ange qui tenait l'âme dans sa main la plaça devant le juge. Et le juge dit à l'un des anges qui le sert. Ouvre ce livre et trouve-moi les péchés de cette âme. Le livre fut ouvert et il trouva sa droiture et ses péchés pareillement balancés et la plaça au milieu, ne la donnant ni au tourment, ni à ceux qui sont sauvés. 13. Et Abraham dit, mon seigneur chef capitaine, qui est ce juge merveilleux et les anges qui écrivent? Qui est l'ange comme le soleil, qui tient la balance et l'ange de feu qui tient le feu? Très saint Abraham, l'homme terrible que tu vois assis sur le trône se nomme Abel, fils du premier créé Adam que le mauvais Caïn a tué. Il est assis pour faire l'examen des hommes justes et des pécheurs pour les juger tous, car Dieu a dit, « Ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais chaque homme sera jugé par l'homme. » C'est pour cette raison qu'il l'a placé au jugement, à juger le monde jusqu'à sa venue de grande gloire, juste Abraham, qui viendra en jugement final et rétribution éternelle et inchangeable, que personne ne pourra contester, dit le chef capitaine. Tous les hommes qui viennent à l'origine du premier créé sont jugés ici en premier par son Fils. Au deuxième à venir, eux tous et les esprits de toute créature seront jugés par les 12 tribus d'Israël. Et au troisième et dernier jugement ils seront jugés par le souverain Dieu de tous, et personne ne pourra révoquer les sentences des frappes terrifiantes. Le jugement et la rétribution du monde se fait par ces 3 tribunaux, et pour cette raison, une situation n'est pas définitivement confirmée par 1 ou 2 témoignages mais tout sera établi par 3 témoignages. Les 2 anges à la main droite et à la gauche sont ceux qui écrivent la droiture et le mal. Celui à droite note la droiture et celui à gauche le mal. L'ange comme le soleil qui tient la balance dans sa main et l'archange d'Okiel qui pèse le juste poids de la droiture et le mal par la droiture de Dieu. l'ange de feu sans pitié, qui tient le feu dans sa main et l'archange Puruel, qui a autorité sur le feu, pour éprouver les travaux des hommes par le feu. Si le feu consume les actions de quelqu'un, l'ange du jugement s'en saisit immédiatement et l'emmène du côté du lieu le plus amer du châtiment des pécheurs. Mais si le feu approuve les actions de quelqu'un et ne s'en saisit pas, cet homme est justifié. L'ange de la droiture le prend pour être sauvé et l'emmène dans le lot des justes. C'est ainsi très juste Abraham, que toutes les choses des humains sont jugées par le feu et la balance. 14. Abraham dit au chef capitaine, « Mon seigneur chef capitaine, pourquoi l'âme que l'ange tenait dans sa main fut jugée d'être placée au milieu ? Écoute juste Abraham, le juge a trouvé sa droiture égale à son mal et ne l'a pas soumise ni au jugement, ni d'être sauve, jusqu'à ce que le juge de tous vienne, dit le chef capitaine. Qu'est-il requis pour que l'âme soit sauve ? Dit Abraham au chef capitaine. Elle entre au salut si elle obtient une droiture au-dessus de son mal, dit le chef capitaine. Viens chef capitaine Michael, faisons une prière pour cette âme, peut-être Dieu nous écoutera, dit Abraham. Amen, qu'il en soit ainsi, dit le chef capitaine. Ils firent une prière de supplication pour l'âme et Dieu entendit. Quand ils se relevèrent de leur prière, ils ne s'y seraient plus l'âme qui se tenait là et Abraham dit à l'ange, « Où est l'âme que tu avais placée au milieu ? Elle a été sauvée par votre juste prière. Voici, un ange de lumière l'a prise et l'a portée au-dessus, au paradis, répondit l'ange. Je glorifie le nom de Dieu le Très-Haut et son immesurable miséricorde. » Dit Abraham. Abraham dit au chef capitaine, « Je te sollicite archange d'écouter ma prière, pour faire encore appel au Seigneur et supplier sa compassion, implorons sa miséricorde pour les âmes des pécheurs précédents, que j'ai maudits et détruits par ma colère, que la terre a dévorés, que les bêtes sauvages ont déchiquetés, que le feu a brûlé sur mes paroles. » Maintenant je sais que j'ai péché devant le Seigneur notre Dieu. Viens Michael, chef capitaine des armées d'en haut, venons ensemble en appeler avec larmes à Dieu pour qu'il puisse me pardonner mon péché et me les accorder. Le chef capitaine l'écouta et ils firent une supplication devant le Seigneur. Ils l'appelèrent pour un long moment, jusqu'à ce qu'une voix vienne dire du ciel. Abraham, Abraham. J'ai écouté la prière de ta voix et te pardonne ton péché. Et ceux que tu imagines que j'ai détruits ont été rappelés à être remis en vie par mon extrême bonté après avoir requis le jugement de leur rétribution du moment. Mais je ne requerrai pas la mort de ceux dont je détruis leur vie sur terre. 15. La voix du Seigneur dit au chef capitaine Michael. Michael mon servant, ramène Abraham à sa maison, car sa fin est proche et la mesure de sa vie est accomplie. Qu'il place toutes ces choses en ordre, prends-le alors et me l'amène. Le chef capitaine tourna le nuage du chariot et ramena Abraham à sa maison. Il alla dans sa chambre et s'assit sur sa natte. Son épouse Sarah vint embrasser les pieds de l'incorporel et dit humblement. Je te remercie mon Seigneur d'avoir ramené mon Seigneur Abraham, car nous pensions qu'il nous avait été pris. Son fils Isaac vint et tomba à son cou, tous ses esclaves hommes et femmes de la même manière entourèrent Abraham et l'embrassèrent en glorifiant Dieu. L'être incorporel leur dit, « Écoute juste Abraham, regarde ton épouse Sarah, regarde ton fils barre verticale interrompue Isaac, regarde aussi autour de toi tous tes serviteurs et servantes. Prends disposition de tout ce que tu as, car le jour est proche que tu doives quitter ce corps pour aller au Seigneur une fois pour toutes. Le Seigneur l'a-t-il dit ou dis-tu cela de toi-même ? Dit Abraham. Écoute juste Abraham, le Seigneur l'a commandé et je te le dis, répondit le chef capitaine. Je n'irai pas avec toi, dit Abraham. Entendant ces mots, le chef capitaine partit immédiatement de la présence d'Abraham et monta aux cieux. Il se tint devant le Très-Haut Dieu et dit : Vois Seigneur Tout-Puissant, j'ai écouté Abraham ton ami dans tout ce qu'il t'a dit et accompli ses demandes. Je lui ai montré ta puissance, sur toute terre et mer sous le ciel. Je lui ai montré le jugement et la rétribution au moyen du nuage et des chariots, et il dit encore, « Je n'irai pas avec toi. » Le Très-Haut dit à l'ange, « Est-ce que mon ami Abraham t'a encore dit, « Je n'irai pas avec toi ?» Il dit ainsi, « Seigneur Tout-Puissant, dit l'archange, et je m'abstiens de poser des mains sur lui, car il est ton ami depuis le début et fait toutes choses plaisantes à ta vue. Il n'y a aucun homme comme lui sur terre, pas même Job, l'homme incroyable. Je m'abstiens donc de poser des mains sur lui. Ordonne ce qui doit se faire, roi immortel. » 16. Le Très-Haut dit. Appelle ici qui est désigné de mort, à l'aspect sans scrupule et au regard sans pitié. Michaël l'incorporel partit et dit à la mort. Viens ici, le Seigneur de la création, le roi immortel t'appelle. Entendant cela, la mort chancela, saisie de grande terreur, et vint en tremblant de grande crainte. Elle se tint chancelante, gémissant et tremblant devant le Père invisible, attendant l'ordre du Seigneur. Le Dieu invisible dit à la mort. Viens ici, toi au nom amèrement féroce au monde. Cache ta férocité, couvre ta corruption, et jette loin de toi ton amertume, pour revêtir toute ta beauté et ta gloire. Descends vers mon ami Abraham pour le prendre et me l'apporter. Mais je te dis maintenant de ne pas le terrifier mais de l'apporter par un juste discours, parce qu'il est pour moi mon ami. Ayant entendu cela, la mort sortit de la présence du Très-Haut et revêtit une longue robe de grande brillance pour rendre son apparence comme le soleil, devenant juste par-dessus les fils des hommes remarquables, et prenant la forme d'un archange avec ses joues flamboyantes de feu. Elle partit alors vers Abraham. Sortit à ce moment-là de sa chambre, le juste Abraham était assis sous les arbres de Morée, tenant son menton dans sa main, dans l'attente de la venue de l'archange Michaël. Une odeur de doux parfum vint lui dans un éclair de lumière. Abraham se retourna et vit la mort venir vers lui en grande beauté et gloire. Abraham se leva pour aller à sa rencontre pensant que c'était le chef capitaine de Dieu. La mort le salua et dit « Réjouis-toi Abraham, âme juste précieuse, véridique ami du Dieu Très-Haut, compagnon des saints anges. Aïe. Toi à l'aspect et la forme du soleil, très glorieux soutien, porteur de lumière, homme merveilleux. Pourquoi ta gloire vient-elle à nous? Qui es-tu et d'où viens-tu? Dit Abraham à la mort. Voici, très juste Abraham, je te dirai la vérité, je suis le loup amer de la mort. Dit la mort. Nais, tu es le charme du monde. Tu es la beauté des hommes et la gloire des anges. Tu es la forme la plus claire que tout autre étudie. Je suis le loup amer de la mort, et non je suis la plus claire de toute bonne chose, lui dit Abraham. Je te dis la vérité, comme le Seigneur me l'a prescrit, aussi je te le dis, dit la mort. Pourquoi es-tu venu ici? Dit Abraham. Je suis venu pour ton âme sainte, dit la mort. Je sais ce que tu veux dire, mais je n'irai pas avec toi, dit Abraham. La mort fut silencieuse et ne lui répondit pas un mot. 17. Abraham se leva et entra dans sa maison, la mort l'accompagna aussi. Abraham monta dans sa chambre, la mort monta avec lui. Abraham s'allongea sur sa natte, la mort vint et s'assit à ses pieds. Et Abraham dit, « Pars, pars de moi, car je désire me reposer sur ma couche. Je ne partirai pas jusqu'à ce que je prenne ton âme de toi, dit la mort. Par le Dieu immortel, je te somme de me dire la vérité, es-tu la mort ? Lui dit Abraham. Je suis la mort, je suis la destructrice du monde, lui dit la mort. Puisque tu es la mort, je te demande de me dire si tu viens à tous dans une telle clarté de beauté et gloire ? Dit Abraham. Né mon Seigneur Abraham. Mais ta droiture, la mer sans fin de ton hospitalité et la grandeur de ton amour envers Dieu sont devenues une couronne sur ma tête. J'approche le juste avec beauté et grande gentillesse de paix, mais je viens au pécheur avec grande férocité de corruption, dans la plus grande amertume, au regard féroce et sans pitié, dit la mort. Écoute-moi, je te demande de me montrer ta férocité, toute ta corruption et amertume, dit Abraham. Tu ne pourras voir ma férocité très juste Abraham, dit la mort. Oui, je pourrai supporter toute ta férocité par les moyens du nom du Dieu vivant, car la force de mon Dieu qui est dans le ciel est avec moi. Dit Abraham. La mort enleva tout charme de beauté, toute sa gloire, et l'aspect semblable au soleil, dont elle s'était revêtue et mit la longue robe du tyran, qui rendit son aspect sombre et plus féroce que toute espèce de bête sauvage et plus malpropre que tous les malpropres. Elle montra à Abraham les 7 têtes de serpent brûlant et 14 faces. Une de feu brûlant de grande férocité, une face de noirceur, une face de vipère la plus sombre, une face du plus terrible précipice, une face du plus féroce cobra, une face de lion terrible, et une face de céraste basilic. Elle lui montra également une face d'ardent cimetière, une face d'épée, une face d'éclair terrible de foudre et bruit de tonnerre mortel. Elle lui montra aussi une face de mer d'orage féroce et de rivière de courant féroce, une autre de terrible serpent à 3 têtes, une autre de tasse de mélange empoisonné, et lui montra promptement une grande férocité, une insupportable amertume, et toute maladie mortelle à l'odeur de mort. De l'insupportable amertume et grande férocité, elle fit mourir 7,000 serviteurs et servantes. Mais le juste Abraham devint indifférent à l'esprit de la mort qui le manqua. 18. Voyant ces choses, le Tout-Saint Abraham dit à la mort, « Je te demande, mort toute destructrice, de cacher ta férocité et revêtir la belle forme que tu avais avant. » La mort cacha aussitôt sa férocité et remit la beauté qu'elle avait avant. Et Abraham dit à la mort, « Tu as détruit tous mes serviteurs et servantes. Pourquoi avoir fait ça ? Dieu t'a-t-il envoyé ici aujourd'hui à cette fin ? Né mon Seigneur Abraham, ce n'est pas comme tu dis, c'est à ton sujet que j'ai été envoyé ici, dit la mort. Combien sont morts alors ? Le Seigneur te l'a-t-il dit ? Dit Abraham à la mort. Très juste Abraham, dit la mort, crois que c'est merveilleux que tu n'aies pas été emporté avec eux. Néanmoins je te dis la vérité, si la main droite de Dieu n'avait pas été avec toi à ce moment, tu serais également écarté de cette vie. Maintenant je sais que je suis devenu indifférent à la mort sans que mon esprit défaille. Mais je te demande mort toute destructrice, puisque mes serviteurs sont morts avant leur temps, viens et prions le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous entende et relève ceux qui sont morts avant leur temps par ta férocité, dit le juste Abraham. Amen, qu'il en soit ainsi, dit la mort. Abraham se leva et tomba en prière, le visage à terre, la mort conjointement avec lui. Le Seigneur envoya un esprit de vie sur ceux qui étaient morts et ils furent remis en vie. Le juste Abraham rendit gloire à Dieu. 19. Il monta s'étendre dans sa chambre et la mort vint se tenir devant lui. Abraham lui dit, « Quitte-moi, car mon esprit est dans l'indifférence et je désire me reposer. Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je prenne ton âme, » dit la mort. Abraham dit à la mort d'une mine austère et d'un regard de colère, « Qui t'a commandé de dire cela, ou dis-tu ces paroles d'arrogance de toi-même ? Je n'irai pas avec toi jusqu'à ce que le chef capitaine Michael vienne vers moi, alors j'irai avec lui. Mais je te le dis aussi, si tu désires que je t'accompagne, explique-moi tous tes changements, les 7 têtes de serpent brûlant, celle de la face du précipice, celle de l'épée filée, celle du fort hurlement de la rivière, celle de la mer impétueuse qui rage si violemment. Déclare-moi aussi le tonnerre insupportable, la foudre terrible, la tasse de mauvaise odeur du mélange empoisonné. Explique-moi tout. Entends juste Abraham, répondit la mort, depuis cet âge je détruis le monde et descends tout vers le Shéol. Roi, gouverneur, riche, pauvre, esclave, homme libre. Je mène au fond du Shéol, c'est pour cela que je t'ai montré les 7 têtes des serpents. La face de feu que je t'ai montré fait mourir plusieurs consumés par le feu et voilà mort sous une face de feu. La face du précipice, ou de terrible précipice, que je t'ai montré fait mourir beaucoup d'hommes en déchaînant du haut des arbres qui perdent leur vie et voilà mort sous la forme d'un terrible précipice. La face d'épée je t'ai montré fait se tuer beaucoup aux guerres par l'épée et voilà mort sous une épée. La face de rivière au très fort courant que je t'ai montré fait périr beaucoup, soudainement noyé par le croissement de plusieurs eaux portées au loin par de grands fleuves, et voilà mort avant leur temps. La face de la mer enragée de colère que je t'ai montré fait engloutir beaucoup en mer, faisant naufrage, tombé sous de grandes vagues, et voilà mort comme la mer. L'insupportable tonnerre et la foudre terrible je t'ai montré font que beaucoup d'hommes rencontrent l'insupportable tonnerre et la foudre terrible venant les saisir dans un moment de colère, et voilà mort. Je t'ai aussi montré les bêtes venimeuses sauvages, cobra, basilic, vipère, léopard, lion, lionceau, ours. Je t'ai brièvement montré le visage de chaque bête sauvage, être le plus juste, car beaucoup d'hommes sont détruits par les bêtes sauvages et d'autres perdent leur vie par morsure des serpents venimeux. Serpents, cobras, céraste, basilic et vipères. Je t'ai aussi montré les tasses de mélange empoisonné de mort, car beaucoup d'hommes se font donner une boisson empoisonnée par d'autres hommes et partent brusquement sans s'y attendre. 20. Abraham dit, « Dis-moi je te demande, y a-t-il une mort inattendue ? Je te dis la vérité de Dieu, qu'il y a vraiment 72 morts, et l'une d'elles est la simple mort par laquelle beaucoup d'hommes sont donnés à la tombe au temps fixe accompli et entrent dans la mort en une heure. Voici je t'ai dit tout ce que tu as demandé, très juste Abraham. Maintenant je te dis, écarte tout conseil et cesse de tout demander une fois pour toutes et venir. Viens avec moi comme Dieu et juge de tout m'a commandé. » Dit la mort. Quitte-moi encore que je puisse me reposer sur ma couche, car je suis très faible du cœur depuis que je t'ai vu de mes yeux. Ma force m'échappe, tous les membres de ma chair me semblent un poids de plomb et mon esprit est excessivement affligé. Pars un peu, car je dis que je ne peux pas supporter voir ta forme, dit Abraham à la mort. Isaac son fils vint et tomba en pleurs sur sa poitrine. Sarah son épouse vint embrasser ses pieds en se lamentant amèrement. Ses esclaves hommes et femmes vinrent aussi et entourèrent sa couche en se lamentant grandement. Abraham devint indifférent à la mort. La mort dit à Abraham. Viens. Prends ma main droite et que gaieté, vie, et force viennent à toi. La mort séduit Abraham. Il prit sa main droite et son âme adhéra directement à la main de la mort. L'archange Michaël vint immédiatement avec une multitude d'anges prélever son âme précieuse de ses mains dans un vêtement de toile divinement tissé. Ils enduisirent le corps du juste Abraham d'onguent parfumé divin et l'ensevelirent aux chaînes de mort et de la terre promise, le troisième jour de sa mort. Les anges qui reçurent sa précieuse âme montèrent au ciel en chantant l'hymne trois fois saint au Seigneur Dieu de tous et la placèrent là pour adorer le Dieu et Père. Abraham était incliné en adoration par suite des grandes éloges de gloire rendues au Seigneur. Et de là vint la voix pure de Dieu et Père qui dit « Amenez mon ami Abraham au paradis où sont les habitations de mes justes êtres, les demeures de mes saints, avec Isaac et Jacob en son sein, où n'est aucun trouble, ni grief, ni pleurs, mais paix et réjouissance de vie éternelle. »